guerre comme à la guerre. Ils ont quasi sans bataille. Nos ennemis se rapprochent. Mais heureusement, nous sommes des guerriers de la foi. Nous ne serons pas atteints. Alléluia. Nous paguons pour paix parce qu'il y a un sauveur. La peine nous côté nous viser pour nous aider. Six ans de Dieu là-bas. Ils se passent. Éphésiens 6, verset 12, mais pas la femme déjà. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre la prise de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le lieu de prier à démarrer. Le sac ne nous pas planer. Position de consécration. Bataille le pape ici. Tout chrétien attaqué. Nous n'en bataille, nous n'en bataille. Même si m'ta campé sous yon pied, force mon Dieu c'est des pieds. Ennemi là, ennemi en raté, ennemi à droite, ennemi à gauche. C'est bataille à genoux, à terre, ou à une force, ou à une succès. Bataille tout le temps. Dieu qui combat, pas de raison pour nous pécher. Oh oh. Ennemi là, ennemi à terre, ennemi à droite, ennemi à gauche. C'est bataille à genoux à terre. Wap jouer une force, wap jouer un succès. My soul with my, my soul Charlie, Pastor Muscadé, Frère Bondi de Boston. J'ai nous fléchis par contre, petit combattant. Même s'il t'a fait ma ligue, viens sous lit. Nous pas qu'il doit perdre du courage. Aïe, aïe, aïe. Bataille, bon Dieu, pas d'être sous l'aïe. Bataille. Nous monde qui combat bataille. Pas de raison pour nous pêcher. Aïe aïe aïe. Oh oh. Pasteur Ecclésiaste Donatien. Pasteur de la mort. Bye. Bye.